Ça fait tout donné. On a fait un certain piège. Il y a la pile de demain. Je pense à pile, oui. Demain après-midi, demain plus tard. Nostradamus avait des positions assez martiennes. Il parlait d'une destruction de la planète dans l'an 3000. Non. Alors en 1989. Pourquoi la date? C'est très bien. Enfin, la destruction du monde, oui. De la planète Terre ou de non, pas de la planète Terre, non, je vais encore être déçu, j'avais encore besoin de la planète. C'est une bonne raison de la garder ensemble. Mais de quelle destruction parle-t-il? Non, Michel de Notre-Dame, premièrement, il a eu affaire avec l'astral pour prédire ce qui nous attendait, c'est-à-dire qu'il a fouillé dans le monde de la mort. Il a eu des contacts avec des archétypes qui provenaient de vieilles mémoires à Santéon, et il a eu en vision, coloré par ce qu'il connaissait du monde, il a eu en vision la description de toute la phénoménologie à Santéon, donc des continents Atlantides, des continents qui pataugeaient autour de l'Atlantide, et il a eu en même temps la vision des grandes confrontations qui ont eu lieu entre la race Ramahal à Santéon, certaines guerres entre les races américaines, et certaines guerres entre les races lémuriennes qui sont plutôt mouviantes, qui étaient descendantes des races lémuriennes. Alors, Michel de Notre-Dame a donc eu comme vision une vision apocalyptique, qui veut dire des choses qui sont en train de se passer, des choses qui sont déjà passées, mais qui n'ont pas été révélées. Un peu comme d'ailleurs Jean de Sacrement a eu. Et Michel de Notre-Dame a donc prévu ce qui est déjà arrivé depuis déjà belle durée, c'est même un peu plus longtemps. Par contre, étant donné que l'être humain est assujetti à des mécanismes cycliques du monde de la mort, où dans le monde de la mort, il y a des correspondances de mémoire, des égrégores, des phénomènes divins, des archétypes planétaires globales, qui ont besoin d'être nourris. Alors, l'égrégore dans le monde de la mort est quelque chose qui tourne, et chaque partie vient se nourrir de l'expérience émotionnelle humaine à chaque fois qu'elle arrive dans un certain passage du monde de la mort, qu'on appelle être contrôle et qu'on appelle aussi canal réincarnationnel. Et à travers cette mécanique-là, il y a donc des manipulations de la gent humaine globale ou encore très localisée, dépendant des ethnies et des continents. Et cycliquement, il y a des parties de cette structuration du monde de la mort qui a besoin d'être nourrie. Et elle engendre des cataclysmes, ce qu'on appelle justement des fins de cycle, des âges de fer de l'âge de fer, qu'on connaît aussi le nom de Kali Yuga, l'âge du mal. Et présentement, on est dans le Kali Yuga du Kali Yuga, donc on est dans l'âge du mal de l'âge du mal, qui devrait se terminer vers l'an 2023 et qui devrait voir sa précipitation vers l'an 1999. Il y a présentement à l'échelle de la planète, depuis 200 ans, des entités qui travaillent à l'élaboration d'un apocalypse majeur, un apocalypse écologique et un apocalypse militaire, de façon à précipiter l'âge du mal pour que l'âge d'or de l'humanité arrive plus rapidement. Cela est prévu par les structures archangéliques d'évolution, donc normalement, les êtres humains, oui, les entités agarthiennes et chambaléennes qui travaillent à cette structuration de l'âge du mal, ne font que faire ce qui a été prévu. Ils ne précipitent rien, même s'ils doivent accomplir un travail qui semble être un travail précipitateur ou catalyseur. Il y a nécessairement, dans les années qui viennent, une grande problématique du point de vue écologique, c'est-à-dire qu'il y aura une grande destruction d'une grande partie de la planète Terre qui sera accomplie par la pollution même du système industriel de l'homme. Et il y aura aussi un stress majeur, un pilonnement astral qui est déjà commencé dans la mémoire astrale financière, qui a engendré la cyclicité des crashs boursiers qui se font plus ou moins toujours dans le même mois des années après. On en a eu deux. On peut, d'une façon cyclique, prévoir le prochain. Et il y a nécessairement toute une structure, une trame qui est tissée dans le monde de la mort pour que les astrologues qui travaillent dans les milieux boursiers puissent aller fouiller. Ils vont avoir de l'information au niveau de la bourse. Et ils vont pouvoir dire aux investisseurs quoi acheter, quoi investir. Et ces personnes vont tous se casser la gueule, ils vont tous perdre leur argent. La manipulation complète. Une manipulation totale pour engendrer un stress majeur dans l'équilibre économique de la planète Terre, ce qui engendre une insécurité du point de vue des investissements étrangers. Donc, les pays riches, étant donné qu'ils deviennent insécures, les étrangers ne veulent pas investir chez eux. Cela bloque les investissements étrangers. Comme le Canada, eh bien, l'usine Hyundai va sans doute passer au comptoir pour payer prochainement. Et encore une fois, ils auront donc perdu des millions et des millions de dollars. Il y aura de plus en plus de conditions nord-américaines et européennes où les investisseurs vont garder leur argent en banque. Et dans une société où l'argent fait office de locomotive sociale, un argent qui est conservé en banque est un argent qui ne sert absolument à rien. Et nécessairement, lorsque l'argent reste en banque, l'argent va finir par perdre sa valeur sociale et morale, sécuritaire, donc astrale. Et lentement, cela va engendrer une insécurité de différentes nations qui vont voir une crise économique majeure secouer leur propre contingent financier. Et comme dans l'histoire l'a toujours démontré, la seule façon de relancer l'emploi et de relancer la matière, c'est une bonne guerre. Dans une guerre, on élimine les employés de trop, c'est-à-dire qu'on tue des gens, on détruit la matière et on stimule une économie militaire dans le territoire où on veut se battre. Si on regarde l'Iran et l'Irak, ils ont beau être financés par des puissances étrangères, n'empêche qu'après un aussi grand nombre d'années de guerre, de si petits pays arrivent toujours à être capables de se battre. Preuve que la guerre est une grande stimulation évolutive, premièrement au niveau de l'homme, parce qu'en temps de paix, l'homme se suicide, en temps de guerre, l'homme veut survivre. C'est une grande stimulation évolutive. C'est aussi une grande stimulation au niveau social, au niveau des affaires. Et après une guerre, eh bien, il reste moins d'employés. Il reste l'avenir en avant, parce que maintenant, on a passé le problème de la peur, de la guerre. Maintenant que la guerre est finie, il reste maintenant l'avenir en avant. Alors maintenant, l'humain est stimulé à construire. Étant donné que plusieurs choses ont été détruites, il y a de l'emploi. Tant qu'on en veut, il y a moins d'humains. Alors, il y a finalement tout ce qu'il faut pour relancer des économies. Si on regarde le Japon, qui a été très durement touché lors de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, maintenant, il est une des grandes puissances économiques, et etc. Maintenant, le Japon est sur une brèche majeure dans les conditions spatio-temporelles, et il risque d'arriver au Japon prochainement des prémices, sinon des choses très apocalyptiques. Lorsque nous regardons la phénoménologie des prophéties de Nostradamus, d'Edgar Cayce, de Jean 23, de Malachie et même de Jean, on voit des paramètres qui se retouchent. À travers les colorations des lectures faites par ces personnages qui ont prophétisé des domaines plutôt nébuleux, ils ont toujours parlé d'apothéose après l'Apocalypse, mais ils ont dit que les 144 000 élus, le chiffre est inexact, les 144 000 élus sur 5 milliards d'humains vivront une apothéose. Il est quand même relativement pénible de se demander comment vont vivre 144 000 personnes à travers 5 milliards de cadavres ou de détritus. Le gros problème, quand on pose la question de l'avenir, ce n'est pas combien de gens vont survivre, mais quelles vont être les conditions de vie des survivants. Et ce n'est jamais ce que l'humain se pose comme question. Il veut être de celui qui va mourir en premier ou de celui qui va survivre. Celui qui meurt en premier se réincarnera. Il se réincarnera dans un monde qu'il n'aura pas pu bâtir. Pourquoi? Parce qu'il sera mort pendant qu'on bâtit. Alors, il se réincarnera dans une société de demain qui ne sera pas nécessairement comme il aurait voulu. Celui qui veut survivre, lui, doit par contre prévoir des mécanismes de survie. Alors, il y a ésotériquement et occultement des mécanismes de survie qui sont implantés à travers la planète et à travers le système solaire, et des mécanismes de survie qui commencent à être révélés à l'homme, des mécanismes d'apparence extraterrestre du point de vue corporel ou androïde. Et il y a donc des mécanismes de survie, comme dans l'échelle de la province de Québec, il y a des caches, où il y a des plans de cachets, il y a des outils de cachets, il y a des choses qui sont cachées et qui sont ésotériquement codées. Et à un moment donné, s'il y a une destruction majeure des structures matérielles du système québécois, et nécessairement le Canada et l'Amérique pourra suivre, eh bien, il y aura par la suite des êtres humains qui auront la faculté de retrouver ces caches et qui sauront utiliser les outils, les appareils qui sont là pour pouvoir rebâtir des structures viables par la suite. Et évidemment, il y aura des mines de fer à ciel ouvert un peu partout, toutes les villes en seront. Il y aura du verre à trouver un peu partout. Il y aura suffisamment de matière pour, en dedans de 10 à 20 ans, reconstruire une société qui permettra à l'être humain de vivre et non pas de survivre. Mais est-ce que l'air sera respirable, même s'il y a des matières premières? L'air sera respirable parce que l'être humain sera capable de la respirer. Ça ne veut pas dire qu'elle serait considérée comme respirable aujourd'hui. L'être humain peut muter, peut changer. L'être humain va subir des transformations comme l'eau qu'on boit aujourd'hui dans nos robinets est de l'eau absolument impotable. Par contre, pour nous, c'est très potable. Bon, si on va en Afghanistan ou si on va dans des pays sous-développés, tu n'as qu'à boire de l'eau, tu te ramasses à l'hôpital. L'eau n'est pas potable. Pourtant, tous les gens en boivent. L'eau est potable. Ouais, ceux qui y sont habitués, leur corps est habitué à cette eau. Exactement. Le chien, il boit dans la rue ici, puis il ne meurt pas. Toi, bois dans la rue, tu ne mourras pas, parce que les hôpitaux vont te soigner. Le chien n'a pas besoin de ça. Quand tu parles des années 1999 à 2023, est-ce que c'est entre ces années-là que les problèmes commenceraient en 1999? Non, les problèmes sont commencés. Sont commencés, mais vont devenir sérieusement sérieux. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la structure évolutive de la planète, c'est que l'astral s'arrange toujours pour martyriser lentement l'humain, parce que l'être humain a un facteur d'adaptabilité assez étrange et assez grandiose. La race humaine a la faculté de s'adapter même aux pires misères. Alors, pour que l'astral puisse manipuler les plus forts de la race humaine, l'astral engendre des transformations, des problématiques, des problèmes. Très lentement, et au fur et à mesure de l'adaptation du règne humain à cette problématique, l'astral amplifie. Et étant donné que l'astral fonctionne comme tout ce qui existe dans la conscience de l'homme d'une façon exponentielle, plus l'humain s'adapte, plus il doit s'adapter rapidement. Et finalement, on en arrivera dans l'année 1993, on va en arriver à une visualisation encore plus concrète de la problématique de l'évolution sur notre planète. C'est-à-dire que si on conserve encore l'idée que les problèmes sont déjà commencés, les problèmes ont commencé en 1957. En 1957, les problèmes ont commencé. Quand t'es né? Non, moi je suis né après. Ah, une conséquence. Et les problèmes se sont amplifiés de 1957 à 1967. Qu'est-ce qui a amené ça, en 1957? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des problèmes qui commencent de particuliers? Premièrement, il y a eu la disparition de certaines personnalités qui avaient la faculté de respect chez l'humain et qui ont préservé le règne de l'humanité. Et il y a eu aussi, en 1957, l'envoi des premiers satellites dans l'espace. Donc, il y a eu la première projection de la possibilité qu'aurait l'homme un jour d'envahir d'une façon cancérigène le reste de notre univers. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, non. Ça n'a pas plu ni à l'homme, aux êtres humains superstitieux, qui ont nécessairement massacré l'astral pour que l'astral vienne régler certains problèmes. Et ça n'a pas plu non plus à des contingences extraterrestres qui sont toujours à l'affût de corps physiques solides, en l'occurrence les corps physiques de l'homme, et il n'est pas question que l'homme s'autodétruise simplement parce qu'il devient fou. J'expliquais à un moment donné dans une conférence réservée aux séminaristes que la problématique de toutes les races évolutives qu'on a connues à travers cet univers local était que lorsque l'animal humain, que lorsque la matière biologique devenait suffisamment consciente et intelligente pour parvenir à s'expandre dans l'univers, elle en était toujours arrivée à s'autodétruire elle-même. Ce qui fait qu'à travers 15,5 milliards d'années de tentatives de création d'un véhicule matériel suffisamment constitué, suffisamment solide, pour soutenir de l'intelligence supramentale pour commencer à l'intérieur d'un système cérébral et endocrinien humain, il y a toujours eu la problématique de l'autodestruction des races intelligentes, c'est-à-dire que l'être humain en arrive continuellement à un potentiel de destruction tel qu'il peut anéantir la planète sur laquelle il vit, et il peut anéantir nécessairement toute la structure biologique qui le maintient. Est-ce que c'est ça qui est arrivé avec l'Atlantide? Non, l'Atlantide n'a pas eu la capacité de s'autodétruire totalement. L'Atlantide a détruit la race des géants. L'Atlantide a aussi engendré des mutations au niveau des Ramahal, et cela a engendré des cyclopes. L'Atlantide n'a pas eu la possibilité de détruire la planète Terre, la race européenne qui existait déjà à l'époque, parce que les Européens, la race blanche, la première sous-race de la race mère blanche, existait déjà. La deuxième et troisième sous-race de la race mère blanche existait aussi, alors des derniers vestiges de la race rouge, de la septième sous-race de la race mère rouge, et les Atlantéens n'ont pas eu la capacité de tout détruire. Premièrement, les Atlantéens étaient un facteur involutif, c'est-à-dire que la race atlantéenne était une race involutive, alors que la race blanche est, à partir de 1957, est une race évolutive. Tandis qu'avant, elle restait une race involutive, c'est-à-dire une race de densification. Et je veux dire par là que, parce qu'on parle d'involution, l'involution est toujours évolutive, c'est une densification. Et la race atlantéenne ne pouvait pas détruire le plan planétaire, parce que lorsqu'elle avait des structures militaires suffisamment puissantes, elle n'avait pas la conscience psychologique suffisamment solide pour supporter la problématique d'un conflit armé à l'échelle de la planète. Et lorsqu'ils sont devenus suffisamment astralisés, pour pouvoir se foutre d'anéantir le monde, leurs armes n'étaient plus efficaces. Un exemple, l'oricalque qui servait aux Atlantéens, c'est-à-dire l'or léger, est par densification devenu le plomb que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il y a énormément de structures qui servaient technologiquement à l'époque, qui ont continué leur densification et qui sont devenues autre chose du point de vue matériel, ce qui a empêché les Atlantéens de proliférer du point de vue belligérant. C'est donc contre leur gré qu'ils n'ont pas pu anéantir la planète, si on veut. Ils ont été arrêtés avant d'y arriver. D'ailleurs, c'est jamais la faute de l'homme qu'il fasse bien ou mal. Donc, c'est manipulé. Est-ce que c'est probablement ce qui va arriver à la race qu'on connaît? La race blanche, elle, par contre, elle est en phase d'évolution, donc la matière a cessé de se densifier, ce qui fait que toutes les structures matérielles que nous connaissons aujourd'hui vont soit rester ce qu'ils sont, soit changer légèrement par augmentation énergétique. Étant donné que la science est une science qui monte en même temps que l'évolution de sa découverte ou de l'évolution des, des surprises énergétiques, eh bien, nécessairement, les armes vont en fonction de l'évolution du plan planétaire. C'est-à-dire que lorsqu'on a découvert la puissance de l'atome, eh bien, les armes sont devenues atomiques. Lorsqu'on a découvert la puissance de la fission nucléaire, les armes étaient à fission nucléaire. Par la suite, on a découvert la fusion nucléaire, les armes sont devenues à fusion nucléaire. Et plus on va augmenter, on parle du laser, on parle aussi d'ondes extrêmement lentes qui vont rendre dépressifs la majorité des égaux conventionnels. Et on parle de plusieurs autres phénomènes qui sont tout à fait ésotériques et qui ont des caractères, disons, astro-scientifiques, ésotériques. Alors, l'être humain, présentement, a la capacité de détruire la planète Terre. Il a même une surcapacité de détruire le plan planétaire. Et qu'est-ce qui l'empêche présentement? C'est une condition qui ne restera pas en équilibre longtemps, parce qu'il sera pilonné dans le monde de la mort par l'instabilité financière qui est engendrée du point de vue des forces astrales et des archétypes boursiers à l'échelle de la planète. Et ce qui va surtout nuire, c'est que présentement, les États-Unis d'Amérique sont absolument convaincus qu'ils ne pourraient pas sortir vainqueurs d'une guerre totale nucléaire, et que l'Union soviétique est aussi convaincue qu'ils ne pourront pas sortir vainqueurs d'une guerre nucléaire. Mais depuis quelques années, l'Union soviétique est en train d'installer un peu partout en Union soviétique des endroits pour que les gens puissent rebâtir l'Union soviétique après une guerre totale nucléaire. Donc, présentement, l'astral soviétique est en train d'instruire, donc de manipuler la gente soviétique, qu'il serait possible de gagner une guerre totale nucléaire. À l'instant où cette possibilité est suffisamment ancrée dans la structure astrale soviétique, cela fait en sorte que l'équilibre des forces est totalement rompu, parce que l'équilibre des forces n'est jamais une condition de matière. L'équilibre des forces est toujours une condition de structure astrale. Il suffit simplement que toi, tout petit, tu rencontres un immense boxeur. Si l'immense boxeur a peur de toi parce que sa structure astrale est plus faible que la tienne, nécessairement, il ne te tapera pas. La journée qu'il découvre qu'il peut te planter, alors, c'est fini. L'équilibre est rompu. Il faut que les deux sachent se respecter. Il faut que les deux soient convaincus de l'inutilité de la guerre. Présentement, l'Union soviétique est manipulée à être convaincue de la possibilité de gagner. Et j'ai expliqué quelques fois en conférence que lorsque les grandes nations vont s'asseoir à la même table pour parler de paix, on aura quelques années avant la guerre. Bon, parce que lorsque l'on parle de paix, on devient amical. Lorsqu'on devient amical, manipulé par des forces astrales qui ont besoin d'une guerre. On parle plus. Eh bien, à un moment donné, on s'endort, et quand on s'endort, l'ennemi peut facilement arriver. Et de plus en plus, nécessairement, il y a une tendance au rapprochement entre les grandes nations, ce qui, du point de vue humain, c'est absolument génial. La problématique, c'est que l'évolution de l'homme n'est pas entre les mains de l'homme, et nécessairement, il y aura de gros dangers. Est-ce que le fait que géographiquement, le Québec soit situé entre les deux, si on veut, ça se bombarderait de partout. On n'est pas surexposé au danger par rapport à d'autres pays? Non, on n'est pas surexposé au danger pour la simple raison que le Québec recèle d'énormes richesses, premièrement. Deuxièmement, que le Québec va vivre une transformation politique dans les années qui vont suivre et que le Québec a toujours été considéré par l'Union soviétique comme étant un peu communiste et que le Québec a toujours été considéré par les États-Unis d'Amérique comme étant un grand allié. Même si, à un moment donné, les forces américaines étaient prêtes à envahir le Québec. C'est les forces canadiennes qui sont venues instaurer l'ordre, mais si Bourassa ne demandait pas à Trudeau d'instaurer le régime martial, eh bien, il y avait déjà des troupes militaires. Tu parles d'octobre 70? Exact. Il y avait des troupes militaires américaines tout proches, un peu partout dans l'État de New York et du Maine. Et on s'apprêtait à faire des choses. Et le Québec est donc un territoire qui est revendiqué par énormément de régions. De nations. Donc, parce qu'ils nous veulent, ils ne nous toucheraient pas ou toucheraient moins? Parce que les deux parties nous veulent? Et oui. Les seules fois qu'on va être touché, c'est par accident. Et si on regarde les forces armées canadiennes, ben, c'est un jouet. C'est vraiment pas... Tu éternues, ils sont tout à terre. C'est vraiment pas... Donc, on ne se fiera pas là-dessus pour s'en faire défendre? Non, comme les forces canadiennes, si, par exemple, les forces armées canadiennes seraient des forces structurées pour défendre le Canada, cela veut dire qu'on ne se procurerait pas de sous-marins nucléaires. Cela veut dire qu'on ne se procurerait pas de bombardiers à haute technologie. Cela veut dire qu'on ne changerait pas nos chars d'assaut. Cela veut dire qu'on acheterait tout ce qui date de quelques années, de 10, 20, 30, 50 ans, qu'on demanderait aux pays qui ne veulent plus leur vieux matériel de guerre de nous le donner. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais un Jeep, un Arrow, un Jeep roumain. Et les sièges étaient des sièges de camions Renault. Le distributeur était un distributeur de Fiat. Les bougies, les pointes, c'était Fiat aussi. Le moteur était un moteur roumain. Le démarreur était un démarreur Ford Camion 1965. C'était toutes des pièces un peu importées. Toutes les compagnies, les pièces qui ont de trop, ils donnaient. Puis la Roumanie a bâti quelque chose avec ça. Et après un an, toutes les semaines, il fallait qu'on répare le moteur. Mais aujourd'hui, j'ai une Toyota Supra. J'ai pas besoin de rien réparer. Mais s'il faudrait que je la répare, je pourrais pas la réparer. Tandis que le vieux Arrow, même s'il faut que je le répare souvent, je peux toujours le réparer. Alors, lorsqu'on a des véhicules de guerre en technologie de pointe dans un pays comme le Canada, totalement écrasé dans un étau, on doit avoir une armée de guerrilleros et non pas une armée de haute technologie. Parce qu'à l'instant où ta haute technologie ne marche plus, tu ne peux pas la réparer. Tout ton matériel de guerre va être absolument inutilisable dans les premières semaines, sinon dans les premiers mois d'une guerre. Donc, on est complètement dépendant de la technologie. Hélas. Et notre technologie, elle est totalement importée. Alors, si on a des véhicules conventionnels qui se réparent avec des mécaniciens conventionnels où on peut ramasser des pièces ou même les façonner plus facilement, ce n'est pas de la grosse puissance. Par contre, mieux vaut un char d'assaut qui marche lentement qu'un char d'assaut qui ne marche pas du tout. Mm-hmm. Et présentement, on est en train de s'enligner simplement pour faire plaisir à notre grand patron qui est les États-Unis d'Amérique et à l'OTAN. L'OTAN emporte le vent. Donc, c'est pas bien bien reluisant. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que nous autres, les Québécois qui ne veulent pas passer par là, il va peut-être falloir passer pareil, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre ça, contre un événement, une guerre mondiale, ou est-ce qu'on est mieux de survivre? Première chose, c'est de ne pas être sur le monde. Il faudrait s'abstraire de la planète hein, pendant que la guerre se passe puis revenir ensuite. Oui, sauf que les techniques actuellement employables par l'humain sont des techniques qui font qu'il peut se retirer du monde, mais qu'il ne peut pas revenir quand il veut. Mm-hmm. C'est ça, le suicide. Mais ce n'est pas la bonne technique employable. Est-ce qu'il y en a une autre qui est meilleure? Oui, il y en a d'autres. Laquelle? Bon, premièrement, il faudrait savoir si l'apocalypse nous intéresse ou pas. C'est une chose. Parce que l'être humain qui vit en fonction de l'évolution, l'être humain qui vit en fonction de comprendre les mécanicités cosmiques qui gèrent l'évolution de l'humanité, l'être humain qui vit en fonction de la négoïsation, l'être humain qui vit en fonction d'exprimer de l'intelligence au travers de ses expressions, au travers de sa bouche, au travers de sa gestuelle, l'être humain qui ne vit qu'en fonction d'améliorer son système endocrinien, son système neuronique, bref, son corps physique, dans le but de pouvoir être de plus en plus en contact avec son intelligence, l'apocalypse ne le regarde pas. Ça le touchera pas. C'est-à-dire que lorsque l'être humain aura besoin de s'en aller ailleurs, il aura le goût de s'en aller ailleurs. Et là où il ira, ce sera la place où il devra aller. Et il n'y aura pas de problème. Maintenant, l'être humain qui est conventionnellement en phase d'évolution avec de l'ego, eh bien, lui avec, il veut vivre comme ça. Il aimerait être au bon endroit, au bon moment. C'est plaisant. Le problème, c'est qu'à l'instant où un ego veut être au bon endroit, au bon moment, l'ego colore toutes les instructions supplémentaires, les instructions de l'intelligence, et l'ego décide. L'ego décidant, l'ego devient un schéma manipulé par les forces astrales, et nécessairement, l'ego va en plein là où on veut que l'ego aille. Et comme l'ego avec le corps physique, le corps suit. Donc, le moyen de s'en sauver, c'est de se débarrasser de son ego plus sacré? Sans sacré. Sans sacré. Mais de s'en débarrasser quand même? Ouais. C'est une chose. Discrètement, je veux dire, sans faire de sans se mettre à vouloir... on ne peut pas s'en débarrasser. Évoluer. Non, mais comment tu fais? Voilà. Il faut se donner la possibilité de risquer bien des choses à travers l'évolution pacifique que nous connaissons aujourd'hui. L'humain d'aujourd'hui est un être humain qui est extrêmement... La majorité des humains du Québec sont des humains qui sont extrêmement peureux, qui se croient médiocres, qui ont peur de foncer. Ce sont des humains aussi qui n'ont pas la faculté... La majorité n'ont pas de foi, ce qui n'est pas un défaut. Mais en même temps, ils n'ont pas de stabilité énergétique, ce qui, si on n'a pas de foi, devient un grand défaut. Alors, l'humain change de décision quotidiennement, sinon mensuellement. Certains plus solides changent de décision annuellement, et quelques rares ne changent jamais de décision. Mais c'est très rare. Alors, l'humain n'a pas fait de choix d'évolution encore à l'échelle de cette planète. Il n'y a presque pas d'humains qui ont fait le choix d'évolution. Et quand je dis le choix d'évolution, je veux dire que tu mets tout en fonction de cela. La grosse question, c'est pourquoi je vis? La grosse réponse, c'est je ne le sais pas, dans la majorité des cas. Mm-hmm. Si tu ne le sais pas, mais que tu vis, prends tout ce que tu conçois comme étant intelligent et vis au moins pour ça. Et si tu dis, oui, mais à quoi ça va servir? Si ça ne sert à rien, ça ne servira pas plus que toutes les solutions étaient stupides ou toutes les conditions absolument aberrantes que tu auras utilisées. Par contre, l'intelligence, elle a un avantage, elle fait partie des structures qui ont toujours resté à l'échelle de la planète. Quand l'homme a voulu changer des mécanicités écologiques, l'intelligence, c'est simplement la compréhension des conséquences, c'est de l'écologie. Et ça reste à travers l'homme. Alors, si l'être humain embarque dans quelque chose qui reste depuis des milliards d'années, il a au moins la capacité, ou il y aura au moins plus de chances, d'arriver à être de ceux qui vont pouvoir un jour comprendre des mécanicités. Si je, là, présentement, je parle pour l'humain qui ne voit pas clair. Lorsque l'humain commence à se réveiller, à se conscientiser, il découvre la manipulation. Découvrant la manipulation, il apprend à souffrir. Apprenant à souffrir, il aura deux tendances. Devenir martyr de la transition, les MTS, les martyrs de la transition supramentale, ou bien il deviendra simplement un élite. À travers les deux conditions, il y a la négoïsation. C'est-à-dire qu'à travers les deux conditions, l'être humain devra passer par des phases de grande souffrance ou de grandes manipulations ou de grandes épreuves. Et encore là, l'humain ne veut pas. L'humain préfère rester endormi. L'humain préfère souffrir d'un cancer, mais être anesthésié pour le savoir, plutôt que de vivre l'opération qui peut peut-être lui ôter le cancer. Alors, l'humain qui, par exemple, se dit, bon, une opération à cœur ouvert, a changé mon cœur, ça peut me donner 10 ans de plus à vivre, mais je peux mourir sur la table. Si je me fais pas opérer, j'ai encore un an. La majorité, souvent, vont dire, ben, je préfère pas me faire opérer, prendre l'année. Dans les deux derniers mois de leur année, là, ils vont peut-être penser à se faire opérer. Là, il est peut-être un peu tard. Donc, il faut être capable de prendre le risque de souffrir. Il faut être capable d'abandonner, d'abdiquer totalement tout ce qui nous entoure en fonction exclusive de notre conscientisation. Et quand je parle de conscientisation, ça ne veut pas dire de suivre quelqu'un. Ça ne veut pas dire de suivre des livres traditionnels. Ça ne veut pas dire de se mettre à genoux pour prier et demander à être sauvé. Celui qui est à genoux et qui prie, on ne l'entendra même pas. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement décider de comprendre. Il faut simplement décider de te mettre en application. Qu'est-ce que l'humain a besoin pour mettre en application son intelligence de la discipline? La première étape que l'homme doit faire, c'est de devenir son autodisciplineur, alors que la majorité des humains ont besoin d'un hétérodisciplinaire, c'est-à-dire d'un code de discipline qui provient de l'extérieur. La majorité des êtres humains spirituels auront comme hétérodisciplinaire des contingences traditionnelles, en l'occurrence des dieux, des anges, des commandements de Dieu, des lois théologiques, des lois ecclésiatiques, des lois donc de l'Église. Ils auront besoin de choses dans le genre, des lois morales aussi. La deuxième grande partie de la planète se serviront d'hétérodisciplinaires par rapport aux lois sociales, aux lois morales. C'est-à-dire que ce sera le code municipal, le code provincial, le code fédéral, les lois, la loi, qui va dire à l'humain ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et ce sera la discipline. Maintenant, il y a un autre code de discipline qui va être l'obligation de faire des choses pour arriver à bien paraître du point de vue social. On se rapproche encore une fois de la codification morale. Alors, tu dois t'habiller de telle façon, tu ne dois pas te vider le nez à la table quand tu manges, bon, il y a des choses dans le genre. Simplement parce que ça fait partie de ce que les autres vont penser de toi et tu protèges ton image. C'est un hétérodisciplinaire, ce n'est pas parce que toi, tu envoies l'intelligence que tu le fais, mais c'est parce que tu souffres de voir comment les autres te voient que tu le fais. Tu n'es pas ton seul maître. Et par la suite, l'humain va donc devoir se lever pour aller travailler, parce que sinon le patron le met à la porte, il a besoin d'argent pour acheter sa musique pour oublier qu'il vit, il a besoin d'argent pour acheter sa boisson, il a besoin d'argent pour se distraire. Qu'est-ce que l'humain doit développer? Première condition que l'être humain doit développer, c'est un autodisciplinaire. L'homme doit devenir son seul maître. Ça veut dire que l'être humain doit suivre des étapes où il acceptera l'hétérodisciplinaire. C'est-à-dire que si on a des choses absolument stupides que l'on vit dans notre vie, eh bien, on va s'arranger pour aller chercher à l'extérieur de soi un hétérodisciplinaire qui peut être l'assujettissement à une codification théologique des lois de Dieu. Ça peut être l'assujettissement à une condition d'un ordre quelconque. Ça peut être des chevaliers de colons, ça peut être etc. Ça peut être l'assujettissement aussi à un ordre engendré par un petit groupe qui se réunit ensemble et qui se donne la possibilité et la permission de se botter le derrière chaque fois que l'un du groupe n'est pas capable de se prendre en main. Alors, ça devient une espèce de chevalerie. Et l'être humain peut donc suivre, avoir un hétérodisciplinaire particulier, jusqu'au jour où il sera capable de faire ce qu'il conçoit d'intelligent. De lui-même. Oui, de lui-même. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si on est intelligent et qu'on n'a pas suffisamment de discipline du point de vue de notre ego, eh bien, on enligne la journée qu'on est suffisamment réchauffé, on établit ce que l'on doit faire dans le but de se conscientiser et de se réchapper, et par la suite, on donne à l'autre cela, et on lui dit, démerde-toi pour que je suive ce genre de vie. Et moi, je vais me démerder pour que tu suives ce genre de vie. C'est évident que, normalement, quand une personne veut arrêter de fumer, elle ne s'arrange pas avec un fumeur. Elle devrait s'arranger avec un non-fumeur. Donc, normalement, ce que l'on fait, c'est qu'on s'enligne pour pouvoir travailler avec des gens qui n'ont pas les défauts que nous voulons éliminer. Mm-hmm. Et ceux-là seront capables plus facilement de nous donner une discipline. Travaillent d'une certaine façon, ceux qui voudront prendre la décision devront s'enligner par la suite pour faire deux choses. Ils devront premièrement développer à toute force un autodisciplinaire, donc devenir leur seul maître du point de vue de leur ego. Ne plus être facilement assujettissable, distrayable par les contingences astrales qui manipulent l'ego de l'homme. Deuxièmement, ils doivent à tout prix se libérer totalement des contraintes de la matière. Cela nécessite deux voies qui doivent être cheminées en parallèle. La première voie est une voie ésotérique, pas occulte, ésotérique. C'est une voie où l'être humain doit développer les choses qui ne sont pas trop connues, les choses qui viennent de lui, les choses qui viennent de l'intérieur, ce que veut dire ésotérique, comparativement à exotérique, qui parle des choses qui viennent de l'extérieur. En même temps que l'être humain développe des facultés qui sont neuroniques, une isométrisation cérébrale, une voix juste, des choses dans le genre, une puissance du point de vue d'une autorité mentale dans l'astral pour pouvoir placer des choses et cesser d'être placé par les événements, en même temps, il doit développer la capacité de comprendre mentalement les structures financières de la région locale dans laquelle il vit, et finalement, expande cette compréhension financière à la région planétaire dans laquelle il vit, donc au niveau de la planète, et dans un laps de temps relativement court, je ne parle pas du point de vue de l'ego, je parle du point de vue chronologique, l'être humain doit parvenir à être riche et à être une élite. Et quand je parle d'élite, je ne parle pas nécessairement d'athlètes olympiques, mais je parle d'êtres humains qui ne sont pas manipulables. Dernièrement, on avait un camp dans le bois et on avait une petite initiation qui devait durer entre 5 et 10 minutes. Et on a passé une soixantaine de personnes dans cette petite initiation. Et à travers 10 minutes de petite initiation où l'astral est suffisamment bien implanté dans l'humain, presque 100% des gens tombent. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'ils ne mettent pas en pratique. Ils n'ont pas encore vu, vibré, perçu, compris, intelligencé l'idée que parce que pendant des milliers d'années, on a joué à être puissant, alors qu'aujourd'hui, on le devient, les gens pensent encore qu'ils jouent. Alors, tu es pauvre, tu t'imagines vouloir être riche, tu te déguises en homme d'affaires, tu joues à l'homme d'affaires, et la journée que tu deviens un homme d'affaires, cesse de penser que tu joues. Parce que là, tu vas te barrer. Et c'est ce qui arrive avec l'humain. L'humain recherche plein de choses, et quand il l'a, il recherche encore les mêmes choses. Et parce que l'humain a souvent, s'est motivé à être une chose, alors qu'il est rendu sur le seuil d'une porte, il continue à jouer. Il n'a pas réalisé que c'était sérieux, que c'était fini, que c'était fait. Oui. Alors, à partir de cet automne, il y a des gens qui vont travailler du point de vue de la finance, de la matière, et du point de vue de leur propre structuration biologique. Ils devront cellulariser des choses, ils devront risquer des choses. Ce sont des gens qui vont prendre une décision. Et c'est dans un cadre extrêmement rigide où celui qui ne fait pas l'affaire est immédiatement banni. C'est logique et normal. Les personnes seront formées, mais quand on parle de systématique d'évolution, l'être humain doit devenir riche. Pourquoi riche? L'être humain, bien souvent, pense que la richesse, avoir de l'argent, c'est une expression de l'astral, de l'ego, de l'orgueil. Mais être pauvre est un péché, du point de vue de l'évolution intelligente. Quand je parle de péché, ce n'est pas un péché. Mais c'est une problématique. Être riche, c'est aussi un problème pour celui qui est au dégo. Celui qui n'a aucune idée que l'argent est un outil. Il faut être capable de le supporter, il faut être capable d'être riche et en santé. Et intelligent et en santé. Oui. Maintenant, ce qui arrive, donc, c'est que... Donc, ça peut être dangereux pour plusieurs individus de devenir riche. Pour la majorité des individus, c'est dangereux de devenir riche. Sauf que si tu travailles ton système d'évolution en même temps que ton système de finance, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y aura des endroits où tu devras aller sur la planète, mais tu n'as pas l'argent pour y aller. Alors un autre ira. Parce qu'à un moment donné, il y aura des choses que tu devras faire, et tu ne pourras pas les faire. Parce qu'à un moment donné, il y aura des gens que tu devras rencontrer, mais l'énergie dégagée par ces gens-là, elle ne peut pas s'approcher de la tienne. Tu n'as pas d'argent. Oh, tu peux aller louer un vêtement, tu peux aller louer une montre en or et quelques bagues, et tu peux t'arranger un peu, arriver en limousine et sortir. Mais il y aura toujours un jour où le gars va dire, j'aimerais ça aller souper chez toi. On va en parler. Puis ton chez toi, qui est un toit et demi, faut que tu te fasses bâtir dans un HLM, il y aura des problèmes. Surtout que... Il faut être capable de le supporter, finalement. Il faut être capable d'être à la hauteur de ce qu'on annonce. Il faut être à la hauteur de ce qu'on annonce, et on peut se préparer. Il y a des humains qui ont la génétique faite pour, mais le Québécois est un être qui, archétypalement, est médiocre dans sa conscience. Pourquoi les Québécois sont toujours... On entend ça de tout le monde, que les Québécois sont pas des hommes d'affaires. Ça. Je pense que dernièrement, on a vu, disons, dans les 50 dernières années, surtout, un revirement dans ce sens-là. Y a-t-il quelque chose génétiquement qui a fait en sorte que les Québécois n'étaient pas... Bien, notre descendance, on descend d'un paquet de bandits. puis des bandits, c'est pas nécessairement des mauvais hommes d'affaires. Non. Ils se sont fait prendre, c'est tout. Oui, c'est parce qu'ils se sont fait taper dedans souvent. Maintenant, lentement, ça se réveille. Il y a des réincarnations de royauté qui réapparaissent. Il y a des réincarnations de grands généraux qui réapparaissent. Le Québec est en train de se réchauffer. Sauf qu'il y a des humains qui doivent faire un travail. Pourquoi? Parce qu'on est en 1988 et on n'a pas tout à fait 10 ans pour pouvoir avoir la liberté financière pour nous permettre d'être au bon endroit au bon moment. C'est sûr que moi, je vais être au bon endroit au bon moment, mais ça ne sert à rien d'aller cultiver les pissenlits tout seul dans un champ. Alors, je vais être ailleurs. Mais si on parle de système planétaire, qu'est-ce qui est intéressant de constater? Ce n'est pas... Regarde bien l'idée. L'idée, ce n'est pas de dire que les gens doivent se préparer s'ils veulent être dans les élus. 144 853 élus, ce n'est pas pour dans 10 ans. C'est pour très rapidement dans le prochain millénaire. Bon. Maintenant, l'être humain, lui, ne doit pas se dire, « Bon, moi, je veux être sauvé. » Ce n'est pas celui-là qui est sauvé, c'est ridicule. C'est comme celui qui dit, « Je veux être riche. » La question fondamentale, « Pourquoi veux-tu être riche? » Tu ne peux pas y répondre, tu ne seras jamais riche. Bon. Alors, je veux faire quelque chose. Il y aura des humains qui auront certains travaux à faire, des fonctions. Ce ne sont pas des missions. La mission, c'est lorsque, astralement, tu acceptes de te donner un travail. Et là, tu te fais royalement charrier. Mais il y a des fonctions. Le mâle a une fonction, donner des enfants. La femelle a des fonctions, donner des enfants. Ce n'est pas une mission, c'est une fonction. C'est exactement. Tu peux ne pas la faire, la fonction, mais c'est une fonction biologique. Le gars ne peut pas se dire, tiens, je vais me missionner, je vais faire des enfants. La position du missionnaire, c'est pas vrai, ça, là-bas. La position du missionnaire, c'était pas bon. Non. Vu que c'est une fonction, c'est pas une mission. Il y aura des humains qui vont mourir. C'est essentiel, et ce sera les génétiques les moins adaptés à recevoir une conscience supramentale. Pourquoi ils vont mourir? Pour se réincarner dans 200 ou 300 ans, dans des génétiques qui seront capables de les recevoir et de leur donner un contact avec leur esprit. Alors, l'individu qui déjà ne voit pas la société de demain à partir d'un investissement dans 500 prochaines années est un individu qui accepte que l'humanité au complet prenne les décisions pour lui. L'individu qui enligne sa vie pour les 10, 20, 30, 50 prochaines années et qui se dit « Ouais, mais de toute façon, moi, je vais être mort. Tu vas être mort physiquement. Mais tu vas revenir. Et dans où et dans quoi? » Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme le propriétaire, disons, d'une compagnie qui part en vacances pour 300 ans? Qui sait qu'il va revenir dans son entreprise? Puis qu'avant de partir, il faut qu'il planifie en fonction que ceux qui vont être là pendant son absence vont faire en sorte que l'entreprise continue d'évoluer pour le jour où il reviendra. Exact. C'est comme ça qu'il faudrait planifier notre vie. Au niveau familial, c'est comme cela qu'on doit planifier notre vie. Au niveau social, au niveau carrément vital, c'est comme cela qu'on doit planifier notre vie. C'est-à-dire que l'être humain qui envisage toujours les conditions existentielles sur l'immédiat terme, ou le court terme, ou le moyen terme, jamais le long terme, est un être humain qui manque totalement à son coup. Quand tu parles de long terme, tu parles de 500 ans? Prenons l'exemple du juif, oui. Long terme, 500 ans, aller à 1000 ans. Prenons l'exemple du juif qui ne lègue ses choses qu'à travers des juifs, et les juifs ont un code qui vont dire qu'on ne lègue et qu'on ne donne et qu'on ne vend qu'à des juifs. Le gars étant dans un archétype juif, se réincarnera juif. Et à un moment donné, il reviendra rechercher sa compagnie. Sauf qu'il ne le saura pas parce qu'il se réincarne pluralitairement à travers des personnalités qui auront servi à la structuration de la compagnie. Mais quand l'être humain devient son seul maître, il se réincarne de façon unitaire. Et là, il se rappelle ce qu'il a été. Ce qui n'est pas le cas actuel, dans l'actuelle humanité, parce que l'humanité se réincarne de façon pluralitaire, fusionnée. Lorsque l'être humain est mort, il lègue soit dans une codification, c'est-à-dire que seuls ceux qui ont suivi la même instruction que moi peuvent hériter de ce que j'ai bâti. Alors, la religion, c'est cela, ça crée un égrégore où les personnalités qui suivent les mêmes instructions vont pendant la période morentielle, la période de transition, la période astrale, purgatorielle, etc., et ils se réincarnent dans des archétypes planétaires qui attirent ces réincarnations-là. Alors, toi, tu es, par exemple, en affaires présentement, tu finis par avoir un empire, et tu décides, moi, j'ai vécu tel genre de vie, et je veux former mon remplaçant. Et je vais même faire une école pour de remplaçants. Et je veux que lorsque le directeur adjoint va s'en aller, que ce soit quelqu'un de l'école qui le remplace, et comme McDonald's. Et je veux que quand ce sera telle personne qui s'en va, que de la même école, je mette la secrétaire là. Et là, tu bâtis donc et tu exiges que cette école appartienne et qu'elle reste avec la compagnie. Si dans 300 ans d'ici, l'école et la compagnie existent toujours, la compagnie peut avoir diversifié ses actifs, ses actions, son travail, c'est pas grave. Elle peut même avoir changé de nom. Mais l'archétype reste le même. Quand tu te réincarneras, ce sera à travers des familles qui feront partie de ces structures-là et tu pourras reprendre facilement possession de tes biens. Continuer ce que tu avais entrepris. Ce que tu avais entrepris à ce moment-là, ce n'était pas, comme tu dis, une mission, mais une fonction. Donc, est-ce que tu dois venir finir cette fonction-là? Est-ce que c'est pour ça que tu reviens? Est-ce que c'est pour ça que tu te réincarnes, pour continuer une fonction? La fonction de l'homme, c'est d'appliquer dans sa structure physique une mutation qui va permettre à la matière de supporter de la lumière. C'est la fonction de l'homme. Il n'y a aucune autre fonction dans le règne de l'homme. Tu ne peux pas avoir comme fonction de devenir médecin. Tu ne peux pas avoir comme fonction de faire des hôpitaux. Tu ne peux pas avoir comme fonction d'engendrer la paix ou la guerre. Tu n'as pas comme fonction de te lancer en affaires. Tout ça, ce sont des outils pour te permettre de vivre de l'expérience, pour permettre à ton corps et à ton système astral de sécréter des hormones qui vont muter ton corps physique. Ça ne sert qu'à cela. Alors, tu reviens. Bon, on parle de système d'affaires. Pourquoi être en affaires? Pour faire de l'argent? Non. Pour être ton seul maître. Pour apprendre à être ton seul maître, pour devenir ton seul maître. Mais il faut que lorsque tu perds tout, que tu n'aies rien perdu. C'est un outil. Tu perds ton marteau, tu ne peux plus planter de clous. C'est évident. Tu prends une roche. Mais la majorité des snobs de l'évolution ne se rabaisseront pas à prendre des roches. On préférait plus planter de clous. Tu avais de faim sans planter de clous. Tout à l'heure, on jasait en bas et puis tu disais toi-même, bon, il y a Miron fait 3 fois faillite. Mais n'importe quelle personne qui fait faillite. Puis n'importe quand il veut recommencer, il recommence. Le système social va dire oui, mais tu es barré pour 5 ans. Ben oui, alors travaillons en groupe. Il y en a un qui fait faillite, ben c'est l'autre qui repart la compagnie. Puis lui fait faillite, ben l'autre il repart après. Puis à un moment donné, une fois sur 5, on gagne. Fait que finalement, si on est plus que 5, on est sûr de gagner à un moment donné. Ouais. Mais le Québécois, présentement, est un être humain qui est un peu trop rapace. Il y en a qui changent. Ça va venir. Il faut pour ça qu'il n'y ait plus d'ego à l'intérieur de ces individus-là. Et pour ne plus avoir d'ego, il faut minimum de la discipline. Et des échecs. Si tu es discipliné, il n'y a pas de problème. Et si tu dis, j'ai 500 ans de travail à faire, tu ne peux pas perdre la guerre. Hum. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Ils ont fait 3 Reichs. Ils en ont perdu. Mais si l'Allemagne se dit, il y en a 2000 ans pour conquérir le monde, ils pourront toujours conscientiser qu'ils n'ont perdu que des batailles. Mais si l'Allemagne se dit, on a jusqu'en l'an 1938 pour conquérir le monde, bien après le 3e Reich, ils vont dire, on vient de perdre la guerre. Mm-hmm. L'être humain, c'est la même chose. L'être humain qui se lance en affaires, qui manque son coup, peut dire, ça y est, j'ai tout perdu. Si c'est sur 500 ans que tu envisages ta projection au niveau de la pensée, ce ne sont que des batailles que tu perds. Et là, il y a toute une nuance du point de vue de l'ego, et on doit instruire notre maudit ego de cesser de devenir dépressif et déprimé chaque fois que la bourse descend un peu, chaque fois qu'il y a un étirement au niveau de la finance que tu aurais pu faire. Les erreurs, ça n'existe pas. C'est de l'expérience que tu as acquérie. Même pas. Ça, c'est du positivisme. L'erreur n'existe cosmiquement pas. Mais ça t'a donné quoi de faire une erreur à ce moment-là? Simplement qu'il y a 1 milliard de pions dans une société et ce 1 milliard de pions-là ont tous des fonctions. Mais sur chacun des pions, il n'y a pas de nom. Simple. Il y a des pions qui doivent être pauvres parce qu'ils drainent l'argent des riches. Il y a des pions qui doivent faire des assassinats, des viols et des meurtres. Pourquoi? Parce qu'ils drainent le karma social du lot. Il y a des pions qui doivent avoir de l'argent pour pouvoir énergiser les pauvres, les rendre jaloux, ça les fait sécréter. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de nom sur les pions. Tu peux mettre ton nom sur le pion des riches ou sur le pion des pauvres. C'est à ton goût. S'il n'y a pas de libre-arbitre, comment fais-tu pour changer ton nom de place? C'est très simple. Très, très simple. Tu demandes à quelqu'un qu'il le fasse pour toi? Non. Il n'y a pas de libre-arbitre. Tu ne pourras pas inventer un pion qui n'existe pas. Tu ne pourras pas faire en sorte que l'humanité va passer par un chemin où elle ne passera pas. Tu ne peux pas faire en sorte, toi, de passer... Si tu n'as pas accompli certaines conditions, passer d'un visage de pion à un autre visage de pion. Il n'y a pas de libre-arbitre tant que l'animal humain dirige le monde. Donc, il faut devenir un être humain? Il faut devenir un être humain. Et un être humain a comme première parole, « Je suis mon seul maître ». À ce moment-là, tu as un libre-arbitre? À ce moment-là, tu n'as pas de libre-arbitre total. Par contre, tu as la faculté de prendre les trous qui sont là. Tu as la faculté de savoir par préscience où il y a du plaisir. Et tu as la faculté aussi de libérer ce qui te manipule pour pouvoir y aller. Il y a 2 manipulations. La première manipulation qui dirige l'humanité, c'est une manipulation astrale. Manipulation colorée par les mémoires du monde de la mort. La deuxième manipulation qui manipule l'être humain, c'est une manipulation d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence à être pauvre. Tu seras manipulé à être riche. Mais celui qui transite entre les deux a un peu d'intelligence et énormément d'ego. Alors, il est manipulé par les 2 contingents. Et il est toujours entre les 2. J'expliquais dernièrement en conférence qu'il y avait 2 portes. La porte de l'homme ancien, la porte de l'homme nouveau. Et l'homme transitif, bien, l'homme ancien, lui, il ne souffre pas. Il a des idées, puis il s'en va, puis il passe par la porte, puis il rentre, puis il mange. L'homme nouveau, manipulation par l'intelligence. Quand le feu prend, il y a une porte, il sait par où sortir. Il n'a pas le choix. Il y a 20 problèmes, une solution intelligente, 20 solutions, l'homme nouveau n'a pas le choix. Il va appliquer la solution intelligente, il est intelligent. Manipulation, drôlement intéressant. Moi, je vois deux champignons, un toxique, un comestible. Je suis intelligent, je n'ai pas le choix, je mange le comestible. Et je m'en fous d'être manipulé. Tandis qu'astralement, tu peux mourir pour faire sécréter la belle-mère. Ou manipulé, même chose. Puis si t'arrives vis-à-vis des portes, puis que t'es un MTS, tu te pètes la tête sur le mur. Exactement, pourquoi? Parce que tu es attiré par l'astral, tu dis tiens, moi, rentrer par là. L'intelligence dit non, viens par là, tu dis ouais, puis tu rentres dans le mur, tu manges pas pantoute. Alors, l'homme ancien est mieux que la majorité de ceux qui évoluent. L'homme nouveau est vachement mieux. Mais celui qui transite, il se pose des questions, il a de l'intelligence, il comprend des choses et il mange de la chocolat. Bon, c'est intéressant. Ce que l'être humain doit faire, tout à l'heure j'en ai parlé, c'est d'arriver à se discipliner, ce qui n'est totalement pas le cas chez l'humain. Tu fais une réunion et tu dis aux gens, on va faire un test de discipline. Et tu dis aux gens, j'ai fait cela dernièrement avec des hommes d'affaires, juste on parlait de certaines choses et on parlait d'ego, et apparemment qu'en affaires, c'est pas l'ego le problème. Alors, j'ai suggéré un test de discipline, juste pour le fun. Et j'ai dit, je vais simplement vous dire quoi faire, quand faire, on va voir si vous êtes capable de l'accepter au niveau du meeting. Je vais diriger le meeting. Alors, tout le monde était bien d'accord pour me prouver que j'avais tort. Alors, tu dis à quelqu'un, tu as une opinion, il vient pour dire oui, tu dis parfait, tais-toi pour l'instant. Toi, tu en as une, puis finalement, celui qui a dit son opinion, c'est un gars d'affaires, puis à un moment donné, il bouillonne, il transpire, puis là, il vous puis il m'en donnait. Puis finalement, ils ont trouvé que le jeu était stupide. Ils ont tout perdu. C'est un jeu. Un jeu n'est jamais stupide. Finis-les. Comme quand tu demandes à quelqu'un, monte donc sur la table. Ah, ben, je suis capable, mais c'est parce que c'est niaiseux. C'est pour ça que je le fais pas. Je dis, lève ta main. Il lève sa main. Dis, c'est niaiseux, lève ta main. Il dit, ben oui. C'est niaiseux, puis tu le fais. Ben oui, tu me l'as demandé. Bon, ben, monte sur la table. C'est même affaire, je te le demande, c'est niaiseux. C'est même affaire. Mais il ne peut pas monter sur la table. C'est pas que c'est niaiseux. Il ne peut pas. Il n'est pas son seul maître. Il y a un anti-homme dans lui. L'astral le manipule et elle le plante sur sa chaise. Alors, il transpire et nécessairement, il y aura l'ajusteur psychologique, l'intellect, qui va commencer à préserver l'ego, ce qu'on ne devrait jamais faire. Quand on vit une situation comme ça, on s'en égoïse, sauf si on préserve notre ego. Alors, il va commencer à intellectualiser. « Oh oui, mais c'est niaiseux, monter sur une table, c'est pas ça qui va faire que je vais évoluer, j'apprendrai pas plus pour ça. » Voilà. La journée que tu es en affaire et que tu dois jouer, tu joues plus. Tu es un petit représentant idiot, tu vas dans une compagnie, tu vas rencontrer le gros, gros patron de la grosse, grosse banque pour lui vendre simplement tes dactylos. Et tu es la secrétaire, je vais rencontrer M. Untel, elle te dit M. Untel est occupé. Et tu t'en vas. Le gars qui est capable de monter sur une table, il va dire, pourriez-vous lui donner ma carte? Il donne la carte, et puis c'est déjà arrivé, le gars c'est un solide, et puis il l'a vu à travers le bureau, le gérant de la banque, le directeur de la banque, déchirer la carte, la mettre aux poubelles. Le secrétaire est venu, elle dit, monsieur est occupé. Fait que le gars, il a dit, bon, ben parfait. C'était ma dernière carte, fait que vu qu'il ne veut pas me voir, est-ce que je pourrais la revoir? Le secrétaire, il est allé voir le boss, il a expliqué. Finalement, le gars a vu le patron. La nuance entre une brique, un gars solide, puis toute la majorité des Québécois, c'est celle-là. Et lui va monter sur une table. Quand tu dis la majorité des Québécois, j'ai de la misère avec ça. Ça doit être la majorité des habitants de la planète, parce qu'il y a des Arabes qui sont oui, au oui, Red, oui, mais ceux-là, on s'en fout pour l'instant. OK. Mais c'est juste... Je voulais t'entendre dire ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ça prendrait une école difficile, une école d'hommes d'affaires illithiques qui est bâtie en fonction de faire en sorte que l'homme et la femme d'affaires deviennent des êtres humains uniques. Qui n'ont pas d'obstacles insurmontables, qui vont essayer, qui vont... Et qui sont capables de travailler ensemble. Pourquoi toujours ensemble? Pour la simple raison que l'être humain, présentement, n'a pas la capacité de recevoir d'un seul trait, toute l'intelligence supramentale qui, présentement, baigne à l'échelle de notre planète. Deuxièmement, parce que l'être humain n'a pas la faculté endocrinienne de supporter une lecture astrale totale, donc il n'a pas la faculté de fouiller dans des organisations ésotériques et secrètes. Certaines sont allemandes, certaines sont américaines, certaines sont européennes, des sociétés secrètes. Y en a-t-il au Québec? Oh, il y en a plus qu'une au Québec, et certaines d'envergure. qui présentement n'ont pas de puissance, mais qui ont déjà eu de la puissance à l'échelle internationale. Ils sont installés au Québec, ils sont installés en Angleterre, ils sont installés au Japon, ils sont installés aux États-Unis. Si on regarde la plus grande société secrète actuellement existante, c'est le Ku Klux Klan. Bon, et on n'en entend pas trop parler, j'ai un petit peu comme ça, mais c'est extrêmement puissant. Et il y a d'autres sociétés secrètes au Québec, au Canada, qui sont relativement puissantes. Mais quand tu es associé, tu risques aussi de t'associer avec des boulets que tu t'accroches aux chevilles. C'est pourquoi je te parle d'une école qui fabrique, qui initie, qui forge des humains qui sont leur seul maître en travail intensif et pas seulement en petits cours de 2 ou 3 heures de temps en temps. Travail intensif et qui fait en sorte qu'il y a des comités de discipline, qu'il y a des comités de gérance qui permet à ces personnes en affaires d'aller chercher le pouvoir financier qu'ils ont besoin lorsqu'ils veulent faire des choses, qu'ils sont capables d'avoir des personnes pour les aider lorsque c'est nécessaire. Et je ne parle pas seulement de conseillers. Ce n'est pas des conseillers que l'humain a besoin. L'humain a besoin de devenir un ouvreur de porte, un fonceur, un seul maître. Et lorsqu'il a besoin pour ouvrir une porte de l'appui de 15 personnes, il va chercher l'appui de 15 personnes. Mais si on fait référence à des êtres humains anégoïques, le boulet, il n'y en a pas. Parce que l'humain va se serrer la main en se disant « notre union est limitée ». Il va s'en servir pour défoncer la porte, mais quand défoncer, il va laisser l'autre côté et il va continuer. Oui, et je connais des êtres humains qui, présentement, peuvent faire ce genre de travail. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et il doit y en avoir plus. On revient encore à ces milliards de pions. Qui va faire partie de ceux qui, à un moment donné, auront la capacité d'aller là où ils voudront aller parce qu'ils enverront l'intelligence? On ne sait pas qui. Mais il y a des conditions sine qua non. La génétique physique doit s'approprier à un contact supramental. Et là, c'est con, on va dire, oui, mais ça veut dire que tu deviens raciste. Je ne suis pas raciste, je suis compris raciste. Comprends, les races. Alors, je peux te dire qu'il y a des individus que tu peux me présenter, je vais te dire, non, ça ne sert à rien de les inscrire. On va leur faire perdre leur temps. Eux, ils doivent évoluer, apprendre des choses, mourir et revenir. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Ils ne sont pas dans le bon corps physique. Ils sont dans le bon dans corps la bonne physique. Race. Ils sont dans la bonne race. Pour eux. Pour eux. OK. Bon. C'est comme de dire, j'ai besoin de boxeurs. Et il y a un frigulet, une espèce de petite tapette qui arrive, là, tu sais, dans le genre, puis pyjama rayé qui a un reste seulement dessus. Faut qu'il passe 2 fois devant le soleil pour faire de l'ombre. Alors, il y arrive. Et je veux être boxeur. Sa génétique ne le permet pas. C'est pas que je suis raciste, je ne te dirai pas, non, lui, il faut le tuer, il sert à rien, on a besoin que de boxeurs. Rien à voir, on n'a pas besoin que de boxeurs. On a besoin de public pour applaudir. Pas besoin que de boxeurs. L'idée n'est pas là. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de maintenir des sphères, et il y a des gens qui ont la capacité de maintenir des sphères. La problématique, c'est que ce qui habite les gens qui peuvent maintenir des sphères n'est pas nécessairement élaboré, apte, épanoui, intelligent. Ce n'est pas nécessairement toujours la bonne chose. Il y a des humains sur la planète qui sont des génies. Le problème, c'est que le maudit égo qu'ils habitent en fait des imbéciles. Alors, ils peuvent être formés. Ils peuvent être anégoïsés. Et on ne parle pas de lavage de cerveau. On parle d'une épuration de cerveau. Et si on parle de briser l'égo ou de l'extraire de ces gens-là, c'est pas un peu ce qu'ils ont essayé de faire au Japon. Il y a encore des écoles de dressage, je dirais, d'hommes d'affaires. Puis il y a des suicides là-dedans. Il y a tout ce que tu voudras. Oui, parce que là, ce qu'on en fait, c'est qu'on en fait un régime... Est-ce qu'il faut aller si loin que ça? Il faut aller plus loin que ça. Plus loin. Oui, ils ne se suicideraient pas s'ils arrêtaient plus loin que ça. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. C'est les Amériques qui vont aller plus loin que ça. Pas les Japonais. Les Japonais, ils ont extrapolé leur régime féodal et ils l'ont conservé. Et au lieu de devenir absolument assujetti à ton shogun et à te faire harakiri quand le shogun te le demande, ils ont fini par transposer le shogun dans le système d'affaires, dans une logistique sociale qui fait qu'être chômeur, c'est une insulte totale, une débilité, c'est un manque d'honneur, tu ne peux pas vivre avec ça. Et c'est tout. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut bâtir des êtres humains qui vont être leur seul maître. Tandis que le Japonais n'est pas son seul maître. Tu n'as qu'à lui dire « Hey, t'es chômeur! » Il te saute d'en face. Il est poli, il te sautera pas d'en face. Il est tellement manipulé qu'il n'arrivera même pas à bouger. Il va se tuer. S'il fait faillite 2 ou 3 fois au Japon, t'es fait. Ah oui, s'il fait faillite, ça c'est pas bien compliqué, sa vie est complète. Harakiri. Oui. C'est même pas c'est beaucoup, c'est harakiri, c'est encore bien pire. C'est encore plus déshonorisant. Mais ça, ce n'est pas ce que l'être humain intelligent va faire. Donc c'est pas ça que tu verrais comme école. Ça fait briser l'ego, être son seul maître, voir l'intelligence des choses. Pas briser l'ego, transformer l'énergie de l'ego en énergie éthérique de façon à créer un double éthérique qui va permettre à l'humain de devenir immortel du point de vue de sa conscience. même si le corps va encore s'en aller quelque temps. Mais une école comme ça, ça peut pas, ça peut, pratico-pratique, là, tu peux pas faire une école et former quelqu'un en 4 ans, 5 ans? Ou... Oui, oui. Tu peux? Là, il y a des conditions. Choisir ceux qui vont réussir. C'est simple. C'est les tests d'admission qui seraient assez difficiles. Ben, pas pour ceux qui vont... Non. Ceux qui vont le passer, votre collègue. Regarde comment c'est. Tu viens pour t'engager dans une compagnie multinationale avec des milliards de dollars en chiffre d'affaires. Quand tu arrives, la porte est tellement grande, il faut une échelle pour laver la porte. Tout est en bronze ou en cuivre. Il y a des l'ascenseur, tu rentres dans l'ascenseur, c'est un gros sofa pour t'asseoir. C'est déjà vu tout ça. Oui, ça existe. Le gars qui est en haut, qui engage, c'est un temps du personnel, il n'y a pas beaucoup à filtrer. La porte en bas affiche la moitié des gens qui viennent s'engager. Okay. L'ascenseur affiche le reste. Il retourne mais quelques rares qui arrivent en haut, c'est des gens solides. Ils ont une job. Ils ont une job. Ah, c'est facile. C'est simple. Mais comment faire en sorte pour que les gens sachent qu'ils ont besoin de ça? Ils vont l'apprendre eux-mêmes? Il n'y a pas besoin de faire en sorte. Présentement, il y a des structures au complet qui sont en train de changer en ce qui concerne le travail que je fais. Et nécessairement, je m'enligne vers ce genre d'école. Ça va se faire. Une école qui fait que l'individu paye pour ses cours. Donc, en partant, l'ego doit venir mettre de l'énergie. Deuxième étape, l'ego travaille sur lui. L'être humain travaille pour se transformer physiquement. Le génétique du travail. Et troisième étape, l'ego fait de l'argent pour ne plus avoir à déployer ses cours. Et quatrième étape, l'ego est libre. Il fait de l'argent, il est là des autorités. Et par la suite, il veut travailler avec ceux qui le côtoyaient au niveau de l'école, il vient travailler avec. Mais ça devient absolument évident. Pourquoi aller voir une banque pour aller emprunter 100 000 $ ou 500 000 $ pour bâtir une chose, puis donner de l'argent à des inconnus qui n'ont même pas la facette évolutive et conventionnelle, alors que tu n'aurais qu'à aller voir des gens que tu connais, récupérer ton 500 000 $, ton 1 million de $ et faire ce que tu as à faire et enrichir ceux avec qui tu travailles. Et la journée que les autres ont besoin d'argent, tu prêtes aussi. Et OK, on va dire, oui, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Mais pas pour le même objectif, celui de se rendre libre. C'est pas de faire des affaires qui est intéressant. Faire des affaires, c'est une folie de l'ego. Mm-hmm. C'est pas faire des affaires. Ouais, c'est d'être libre. Tous les actionnaires de compagnie font ce que tu dis là. C'est-à-dire prêtent oui, d'argent. Ça. Mais ce n'est pas la façon dont on doit procéder. Ce n'est pas en achetant des actions qu'on devient riche. Donc, c'est le but qui n'est pas le bon but. Le but n'est pas le bon. Alors, forme-toi. Avant. Connais l'astral, connais la manipulation, deviens solide, transforme-toi, bats-toi. L'humain est capable d'aller à l'école pendant 15 ans pour devenir un médecin spécialisé. Pour se lancer en affaires, rares sont ceux qui vont attendre longtemps parce qu'ils ont de l'ego et de l'impatience dans l'ego. Mais si on veut former de l'élite, pas de l'élite d'affaires, elle sera de l'élite d'affaires. Elle sera de l'élite n'importe où, dans n'importe quoi. Dans n'importe quelle situation. Et pourquoi l'être humain doit devenir libre de la matière et c'est absolument impératif du point de vue d'une société nouvelle ou d'une société de demain ou de n'importe quoi? C'est parce que dans les 10 prochaines années, on aura le temps d'aller chercher deux choses. De l'argent et des contacts. Parce que dans des cas où il y a des problématiques d'évolution, des mutations sociales au niveau planétaire, comme il y en a eu 5 fois jusqu'à date, eh bien, c'est la 6e fois maintenant, l'être humain qui a de l'argent se libère de la matière. Et c'est essentiel parce que la matière, c'est la grande voie par laquelle l'astral peut passer pour se manipuler. C'est simple. Endette-toi. Tu es enchaîné. Reste pauvre. Tu es toujours enchaîné. Tu ne peux pas développer ton intelligence. Tu ne peux pas développer ta créativité. Tu ne peux pas développer ton expressivité. Tu ne peux pas rien faire. Et quand tu es riche, tu es aussi enchaîné. Parce que, le riche qui est devenu riche, c'est un égo riche. Il faut qu'il essaye de conserver sa richesse pour faire ce que tu disais tantôt, parce que s'il est pour se réincarner dans 300-400 ans, puis reprendre sa place, il y a très peu de richesse qui réussissent à passer trois générations. Oui, parce qu'il ne s'en sort pas.